L'on aurait de la peine à croire la diligence qu'il fit si l'on ne savait déjà de quelle manière le cheval de bois l'avait porté en moins de 2 jours à plus de 500 lieues du château, de sorte que le même pouvoir qui anima celui-là pressa si fort les autres qu'ils ne restèrent que 24 heures sur le chemin. Ils ne s'arrêtèrent en aucun endroit jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés chez le roi, où les 2 frères aînés du prince s'étaient déjà rendus. De sorte que, ne voyant point paraître leur cadet, ils s'applaudissaient de sa négligence et se disaient tout bas l'un à l'autre « Voilà qui est bien heureux, il est mort ou malade, il ne sera point notre rival dans l'affaire importante qui va se traiter. » Aussitôt, ils déployèrent leur toile, qui, à la vérité, était si fine qu'elle passait dans le trou d'une grosse aiguille, mais pour passer dans une petite, cela ne se pouvait. Et le roi, très aise de ce prétexte de dispute, leur montra l'aiguille qu'il avait proposée, et que les magistrats, par son ordre, apportèrent du trésor de la ville où elle avait été soigneusement enfermée. Il y avait beaucoup de murmures sur cette dispute. Les amis des princes, et particulièrement ceux de l'aîné, car c'était sa toile qui était la plus belle, disaient que c'était là une franche chicane, où il entrait beaucoup d'adresse et de normanisme. Les créatures du roi soutenaient qu'il n'était point obligé de tenir des conditions qu'il n'avait pas proposées. Enfin, pour les mettre tous d'accord, l'on entendit un bruit charmant de trompettes, de timbales et de hautbois. C'était notre prince qui arrivait en pompeux appareil. Le roi et ses 2 fils demeurèrent aussi étonnés les uns que les autres d'une si grande magnificence. Après qu'il eut salué respectueusement son père, embrassé ses frères, il tira d'une boîte couverte de rubis la noix qu'il cassa. Il croyait y trouver la pièce de toile tant vantée, mais il y avait au lieu une noisette. Il la cassa encore et demeura surpris de voir un noyau de cerise. Chacun se regardait. Le roi riait tout doucement et se moquait que son fils eût été assez crédule pour croire apporter dans une noix une pièce de toile. Mais pourquoi ne l'aurait-il pas cru, puisqu'il avait déjà donné un petit chien qui tenait dans un gland? Il cassa donc le noyau de cerise qui était rempli de son amande. Alors il s'éleva un grand bruit dans la chambre. L'on n'entendait autre chose sinon le prince cadet et la dupe de l'aventure. Il ne répondit rien aux mauvaises plaisanteries des courtisans. Il ouvre l'amande et trouve un grain de blé, puis dans le grain de blé, un grain de millet. Oh, c'est la vérité qu'il commença à se défier et marmotta entre ses dents. « chatte blanche, tu t'es moqué de moi !» Il sentit dans ce moment la griffe d'un chat sur sa main, dont il fut si bien égratigné qu'il en saignait. Il ne savait si cette griffade était faite pour lui donner du cœur ou pour lui faire perdre courage. Cependant, il ouvrit le grain de millet, et l'étonnement de tout le monde ne fut pas petit quand il en tira une pièce de toile de 400 aunes, si merveilleuse que tous les oiseaux, les animaux et les poissons y étaient peints avec les arbres, les fruits et les plantes de la terre, les rochers, les raretés et les coquillages de la mer, le soleil, la lune, les étoiles, les astres et les planètes des cieux. Il y avait encore le portrait des rois et des autres souverains qui régnaient pour lors dans le monde, celui de leurs femmes, de leurs maîtresses, de leurs enfants et de tous leurs sujets, sans que le plus petit polisson y fût oublié. Chacun dans son état faisait le personnage qui lui convenait et vêtu à la mode de son pays. Lorsque le roi vit cette pièce de toile, il devint aussi pâle que le prince était devenu rouge de la chercher si longtemps. L'on présenta l'aiguille et elle y passa et repassa 6 fois. Le roi et les 2 princes aînés gardaient un morne silence, quoique la beauté et la rareté de cette toile les forçât de temps en temps de dire que tout ce qui était dans l'univers ne lui était pas comparable. Le roi poussa un profond soupir et se tournant vers ses enfants, « Rien ne peut, leur dit-il, me donner tant de consolation dans ma vieillesse que de reconnaître votre déférence pour moi. Je souhaite donc que vous vous mettiez à une nouvelle épreuve. Allez encore voyager 1 an, et celui qui, au bout de l'année, ramènera la plus belle fille, l'épousera et sera couronné roi à son mariage. C'est aussi bien une nécessité que mon successeur se marie. Je jure, je promets que je ne différerai plus à donner la récompense que j'ai promise. » Toute l'injustice roulait sur notre prince. Le petit chien et la pièce de toile méritaient 10 royaumes plutôt qu'un. Mais il était si bien né qu'il ne voulut point contrarier la volonté de son père, et sans différer, il remonta dans sa calèche. Tout son équipage le suivit, et il retourna auprès de sa chère chatte blanche. Elle savait le jour et le moment qu'il devait arriver, tout était jonché de fleurs sur le chemin, 1000 cassolettes fumaient de tous côtés, et particulièrement dans le château. Elle était assise sur un tapis de Perse et sous un pavillon de drap d'or, dans une galerie où elle pouvait le voir revenir. Il fut reçu par les mains qui l'avaient toujours servi. Tous les chats grimpèrent sur les gouttières pour le féliciter par un miaulage désespéré. « Eh bien, fils de roi, lui dit-elle, te voilà donc encore revenu sans couronne ?»« Madame, répliqua-t-il, vos bontés m'avaient mis en état de la gagner, mais je suis persuadé que le roi aurait plus de peine à s'en défaire que je n'aurais de plaisir à la posséder. »« N'importe, dit-elle, il ne faut rien négliger pour la mériter. » Je te servirai dans cette occasion, et puisqu'il faut que tu mènes une belle fille à la cour de ton père, je t'en chercherai quelqu'une qui te fera gagner le prix. Cependant, réjouissons-nous, j'ai ordonné un combat naval entre mes chats et les terribles rats de la contrée. Mes chats seront peut-être embarrassés, car ils craignent l'eau, mais aussi ils auraient trop d'avantages, et il faut, autant qu'on le peut, égaler toutes choses. Le prince admira la prudence de Madame Minette. Il la loua beaucoup et fut avec elle sur une terrasse qui donnait vers la mer. Les vaisseaux des chats consistaient en de grands morceaux de liège sur lesquels ils voguaient assez commodément. Les rats avaient joint plusieurs coques d'œufs et c'était là leur navire. Le combat s'opiniâtra cruellement. Les rats se jetaient dans l'eau et nageaient bien mieux que les chats, de sorte que 20 fois ils furent vainqueurs et vaincus. Mais Mina Grobis, amiral de la flotte chatonique, réduisit l'agente ratonienne dans le dernier désespoir. Il mangea à belles dents le général de leur flotte. C'était un vieux rat, expérimenté, qui avait fait 3 fois le tour du monde dans de bons vaisseaux, où il n'était ni capitaine, ni matelot, mais seulement croque-lardon. Chatte Blanche ne voulut pas qu'on détruisît absolument ces pauvres infortunés. Elle avait de la politique et songeait que s'il n'y avait plus ni rat ni souris dans le pays, ses sujets vivraient dans une oisiveté qui pourrait lui devenir préjudiciable. Le prince passa cette année comme il avait fait les 2 autres, c'est-à-dire à la chasse, à la pêche, au jeu, car Chatte Blanche jouait fort bien aux échecs. Il ne pouvait s'empêcher de temps en temps de lui faire de nouvelles questions pour savoir par quel miracle elle parlait. Il lui demandait si elle était fée ou si, par une métamorphose, on l'avait rendue chatte. Mais comme elle ne disait jamais que ce qu'elle voulait bien dire, elle ne répondait aussi que ce qu'elle voulait bien répondre. Et c'était tant de petits mots qui ne signifiaient rien qu'il jugea aisément qu'elle ne voulait pas partager son secret avec lui. Rien ne s'écoule plus vite que des jours qui se passent sans peine et sans chagrin. Et si la chatte n'avait pas été soigneuse de se souvenir du temps qu'il fallait retourner à la cour, il est certain que le prince l'avait absolument oublié. Elle l'avertit la veille qu'il ne tiendrait qu'à lui d'emmener une des plus belles princesses qui fût dans le monde, que l'heure de détruire le fatal ouvrage des fées était à la fin arrivée, et qu'il fallait pour cela qu'il se résolût à lui couper la tête et la queue qu'il jetterait promptement dans le feu. « Moi ! S'écria-t-il. Blanchette, mes amours, moi, dis-je, je serais assez barbare pour vous tuer. Ah ! Vous voulez sans doute éprouver mon cœur, mais soyez certaine qu'il n'est point capable de manquer à l'amitié et à la reconnaissance qu'il vous doit. « Non, fils de roi, continua-t-elle, je ne te soupçonne d'aucune ingratitude. Je connais ton mérite. Ce n'est ni toi ni moi qui réglons dans cette affaire notre destinée. Fais ce que je souhaite. Nous commencerons, l'un et l'autre, d'être heureux. Et tu connaîtras, foi de chatte de bien et d'honneur, que je suis véritablement ton ami. » Les larmes vinrent 2 ou 3 fois aux yeux du jeune prince de la seule pensée qu'il fallait couper la tête à sa petite chatonne qui était si jolie et si gracieuse. Il dit encore tout ce qu'il put imaginer de plus tendre pour qu'elle n'en dispensât. Elle répondait opiniâtrement qu'elle voulait mourir de sa main et que c'était l'unique moyen d'empêcher que ses frères n'eussent la couronne. En un mot, elle le pressa avec tant d'ardeur qu'il tira son épée en tremblant et, d'une main mal assurée, il coupa la tête et la queue de sa bonne amie la chatte. En même temps, il vit la plus charmante métamorphose qui se puisse imaginer. Le corps de Chatte Blanche devint grand et se changea tout d'un coup en fille. C'est ce qui ne saurait être décrit. Il n'y eut que celle-là aussi accomplie. Ses yeux ravissaient les cœurs et sa douceur les retenait. Sa taille était majestueuse, l'air noble et modeste, un esprit liant, des manières engageantes. Enfin, elle était au-dessus de tout ce qu'il y a de plus aimable. Le prince, en la voyant, demeura si surpris, et d'une surprise si agréable, qu'il se crut enchanté. Il ne pouvait parler, ses yeux n'étaient pas assez grands pour la regarder. et sa langue liée ne pouvait expliquer son étonnement. Mais ce fut bien autre chose lorsqu'il vit entrer un nombre extraordinaire de dames et de seigneurs qui, tenant tous leurs peaux de chatte ou de chat jetées sur leurs épaules, vinrent se prosterner aux pieds de la reine et lui témoignaient leur joie de la revoir dans son état naturel. Elle les reçut avec des témoignages de bonté qui marquaient assez le caractère de son cœur. Et après avoir tenu son cercle quelques moments, elle ordonna qu'on la laissât seule avec le prince, et elle lui parla ainsi. « Ne pensez pas, Seigneur, que j'ai toujours été chatte, ni que ma naissance soit obscure parmi les hommes. Mon père était roi de 6 royaumes. Il aimait tendrement ma mère, et la laissait dans une entière liberté de faire tout ce qu'elle voulait. Son inclination dominante était de voyager, de sorte qu'étant grosse de moi, elle entreprit d'aller voir une certaine montagne dont elle avait entendu dire des choses surprenantes. Comme elle était en chemin, on lui disait qu'il y avait proche du lieu où elle passait un ancien château de fées, le plus beau du monde, tout au moins qu'on le croyait tel par une tradition qui en était restée. Car d'ailleurs, comme personne n'y entrait, on n'en pouvait juger. Mais qu'on savait très sûrement que ces fées avaient dans leur jardin les meilleurs fruits, les plus savoureux et délicats qui se fussent jamais mangés. Aussitôt la reine, ma mère, eut une envie si violente d'en manger qu'elle y tourna ses pas. Elle arriva à la porte de ce superbe édifice qui brillait d'or et d'azur de tous les côtés, mais elle y frappa inutilement. Qui que ce soit ne parut, il semblait que tout le monde y était mort. Son envie augmentant par les difficultés, elle envoya quérir des échelles afin que l'on pût passer par-dessus les murs du jardin, et l'on en serait venu à bout si ces murs ne se fussent haussés à vue d'œil. L'on attachait des échelles les unes aux autres, elles rompaient sous le poids de ceux qu'on y faisait monter. Ils s'estropiaient ou se tuaient. La reine se désespérait, elle voyait de grands arbres chargés de fruits qu'elle croyait délicieux, elle en voulait manger ou mourir, de sorte qu'elle fit tendre des tentes fort riches devant le château, et elle y resta 6 semaines avec toute sa cour. Elle ne dormait ni ne mangeait, elle soupirait sans cesse, elle ne parlait que des fruits du jardin inaccessibles. Enfin, elle tomba dangereusement malade, sans que qui que ce soit pût apporter le moindre remède à son mal, car les inexorables fées n'avaient pas même paru depuis qu'elles s'étaient établies proches de leur château. Tous les officiers s'affligeaient extraordinairement. L'on n'entendait que des pleurs et des soupirs pendant que la reine mourante demandait des fruits à ceux qui la servaient. Mais elle n'en voulait point d'autre que de ceux qu'on lui refusait. Une nuit, qu'elle s'était un peu assoupie, elle vit en se réveillant une petite vieille, laide et décrépite, assise dans un fauteuil au chevet de son lit. Elle était surprise que ces femmes eussent laissé approcher si près d'elle une inconnue, lorsqu'elle lui dit « Nous trouvons ta majesté bien importune de vouloir avec tant d'opiniâtreté manger de nos fruits. Mais puisqu'il y va de ta précieuse vie, mes sœurs et moi consentons à t'en donner tant que tu pourras en emporter et tant que tu resteras ici, pourvu que tu nous fasses un don. » « Ah, ma bonne mère !» s'écria la reine, « parlez, je vous donne mes royaumes, mon cœur, mon âme, pourvu que j'aie des fruits, je ne saurais les acheter trop cher. Nous voulons, dit-elle, que ta majesté nous donne la fille que tu portes dans ton sein. Dès qu'elle sera née, nous la viendrons quérir. Elle sera nourrie parmi nous. Il n'y a point de vertu, de beauté, de science dont nous ne la dotions. En un mot, ce sera notre enfant. Nous la rendrons heureuse. Mais observe que ta majesté ne la reverra plus qu'elle ne soit mariée. Si la proposition t'agrée, je vais tout à l'heure te guérir et te mener dans nos vergers. Malgré la nuit, tu verras assez clair pour choisir ce que tu voudras. Si ce que je te dis ne te plaît pas, bonsoir, madame la reine, je vais dormir. » « Quelque dure que soit la loi que vous m'imposez, répondit la reine, je l'accepte plutôt que de mourir, car il est certain que je n'ai pas un jour à vivre. Ainsi, je perdrai mon enfant en me perdant. Guérissez-moi, savante fée, continua-t-elle, et ne me laissez pas un moment sans jouir du privilège que vous venez de m'accorder. » La fée touche une petite baguette d'or en disant « Que ta majesté soit quitte de tous les maux qui la retiennent dans ce lit. » Il lui sembla aussitôt qu'on lui ôtait une robe fort pesante et fort dure, dont elle se sentait comme accablée et qu'il y avait des endroits où elle tenait davantage. C'était apparemment ceux où le mal était le plus grand. Elle fit appeler toutes ces dames et leur dit, avec un visage gai qu'elle se portait à merveille, qu'elle allait se lever et qu'enfin les portes si bien verrouillées et si bien barricadées du palais de féerie lui seraient ouvertes pour manger les beaux fruits et pour en emporter tant qu'il lui plairait. Il n'y eut aucune de ces dames qui ne crût la reine en délire, et que dans ce moment elle rêvait à ces fruits qu'elle avait tant souhaités. De sorte qu'au lieu de lui répondre, elles se prirent à pleurer, et firent éveiller tous les médecins pour voir en quel état elle était. Ce retardement désespérait la reine. Elle demandait promptement ses habits, on les lui refusait. Elle se mettait en colère et devenait fort rouge. L'on disait que c'était l'effet de sa fièvre. Cependant, les médecins, étant entrés, après lui avoir touché le pouls et fait leurs cérémonies ordinaires, ne purent nier qu'elle ne fût dans une parfaite santé. Ces femmes, qui virent la faute que le zèle leur avait fait commettre, tâchèrent de la réparer en l'habillant promptement. Chacun lui demanda pardon, tout fut apaisé, et elle se hâta de suivre la vieille fée qui l'avait toujours attendue. Elle entra dans le palais où rien ne pouvait être ajouté pour en faire le plus beau lieu du monde. « Vous le croirez aisément, seigneur, ajouta la reine Chatte Blanche, quand je vous aurai dit que c'est lui où nous sommes. » Deux autres fées, un peu moins vieilles que celles qui conduisaient ma mère, la reçurent à la porte et lui firent un accueil très favorable. Elle les pria de la mener promptement dans le jardin et vers les espaliers où elle trouverait les meilleurs fruits. « Ils sont tous également bons, lui dirent-elles, et si ce n'était que tu veux avoir le plaisir de les cueillir toi-même, nous n'aurions qu'à les appeler pour les faire venir ici. « Je vous supplie, mesdames, dit la reine, que j'ai la satisfaction de voir une chose si extraordinaire. » La plus vieille mit ses doigts dans sa bouche et siffla trois fois. Puis elle cria « Abricot, pêche, pavis, brugnon, cerise, prune, poire, bigarreau, melon, muscat, pomme, orange, citron, groseille, fraise, framboise, accourez à ma voix. » « Mais, dit la reine, tout ce que vous venez d'appeler vient en différentes saisons. » « Cela n'est pas ainsi dans nos vergers, dirent-elles. Nous avons de tous les fruits qui sont sur la terre, toujours mûrs, toujours bons, et qui ne se gâtent jamais. » En même temps, ils arrivèrent, roulant, rampant, pêle-mêle, sans se gâter ni se salir. De sorte que la reine, impatiente de satisfaire son envie, se jeta dessus et prit les premiers qui s'offrirent sous ses mains. Elle les dévora plutôt qu'elle ne les mangea. Après s'en être un peu rassasiée, elle pria les fées de la laisser aller aux espaliers pour avoir le plaisir de les choisir de l'œil avant que de les cueillir. « Nous y consentons volontiers, dirent les trois fées, mais souviens-toi de la promesse que tu nous as faite, il ne te sera plus permis de t'en dédire. » « J'en suis persuadée, répliqua-t-elle, que l'on est si bien avec vous, et ce palais me semble si beau, que, si je n'aimais pas chèrement le roi mon mari, je m'offrirais d'y demeurer aussi. C'est pourquoi vous ne devez point craindre que je rétracte ma parole. » Les fées, très contentes, lui ouvrirent tout leur jardin et tous leurs enclos. Elle y resta trois jours et trois nuits, sans en vouloir sortir, tant elle les trouvait délicieux. Elle cueillit des fruits pour sa provision, et, comme ils ne se gâtent jamais, elle en fit charger 4000 mules qu'elle emmena. Les fées ajoutèrent à leurs fruits des corbeilles d'or d'un travail exquis pour les mettre, et plusieurs raretés dont le prix est excessif. Elles lui promirent de m'élever en princesse, de me rendre parfaite et de me choisir un époux, qu'elles seraient averties de la noce et qu'elles espéraient bien qu'elle y viendrait. Le roi fut ravi du retour de la reine, toute la cour lui en témoigna sa joie. Ce n'était que bal, mascarade, course de bagues et festins, où les fruits de la reine étaient servis comme un régal délicieux. Le roi les mangeait préférablement à tout ce qu'on pouvait lui présenter. Il ne savait point le traité qu'elle avait fait avec les fées. Et souvent, il lui demandait en quel pays elle était allée pour en rapporter de si bonnes choses. Elle lui répondait qu'il se trouvait sur une montagne presque inaccessible. Une autre fois, qu'il venait dans les vallons, puis au milieu d'un jardin ou dans une grande forêt. Le roi demeurait surpris de tant de contrariétés. Il questionnait ceux qui l'avaient accompagné, mais elle leur avait tant défendu de conter à personne son aventure qu'il n'osait en parler. Enfin, la reine, inquiète de ce qu'elle avait promis aux fées, voyant approcher le temps de ses couches, tomba dans une mélancolie affreuse. Elle soupirait à tout moment et changeait à vue d'œil. Le roi s'inquiéta, il pressa la reine de lui déclarer le sujet de sa tristesse, et après des peines extrêmes, elle lui apprit tout ce qui s'était passé entre les fées et elle, et comme elle leur avait promis la fille qu'elle devait avoir. « Quoi ? S'écria le roi. « Nous n'avons point d'enfants, vous savez à quel point j'en désire, et pour manger deux ou trois pommes, vous avez été capable de promettre votre fille. Il faut que vous n'ayez aucune amitié pour moi. » Là-dessus, il l'accabla de mille reproches, dont ma pauvre mère pensa mourir de douleur. Mais il ne se contenta pas de cela. Il la fit enfermer dans une tour et mit des gardes de tous côtés pour empêcher qu'elle n'eût commerce avec qui que ce fût au monde, que les officiers qui la servaient. Encore changea-t-il ceux qui avaient été avec elle au château des fées. La mauvaise intelligence du roi et de la reine jeta la cour dans une consternation infinie. Chacun quitta ses riches habits pour en prendre de conformes à la douleur générale. Le roi, de son côté, paraissait inexorable. Il ne voyait plus sa femme. Et sitôt que je fus né, il me fit apporter dans son palais pour y être nourri, pendant qu'elle restait prisonnière et fort malheureuse. Les fées n'ignoraient rien de ce qui se passait. Elles s'en irritèrent. Elles voulaient m'avoir. Elles me regardaient comme leur bien, et que c'était leur faire un vol que de me retenir. Avant que de chercher une vengeance proportionnée à leur chagrin, elles envoyèrent une célèbre ambassade au roi pour l'avertir de mettre la reine en liberté et de lui rendre ses bonnes grâces, et pour le prier aussi de me donner à leurs ambassadeurs, afin d'être nourrie et élevée parmi elles. Les ambassadeurs étaient si petits et si contrefaits, car c'étaient des nains hideux, qui n'eurent pas le don de persuader ce qu'ils voulaient au roi. Il les refusa durement. Et s'ils n'étaient partis en diligence, il leur serait peut-être arrivé pis. Quand les fées surent le procédé de mon père, elles s'indignèrent autant qu'on peut l'être. Et après avoir envoyé dans ces six royaumes tous les maux qui pouvaient les désoler, elles lâchèrent un dragon épouvantable qui remplissait de venin les endroits où il passait, qui mangeait les hommes et les enfants, et qui faisait mourir les arbres et les plantes du souffle de son haleine.